بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن في الدرس الخامس والثلاثين في كتاب الصلاة Nous sommes donc au 35e cours dans l'explication du chapitre de la prière. Toujours dans le livre Umdat al-Ahkam. Concernant le livre Umdat al-Ahkam, on est aujourd'hui donc au 90e cours. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه. Selon Abi Hurayrata radiallahu anhu qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se levait pour la prière, faisait le takbir. Il faisait le takbir quand il était debout. Donc ici le premier takbir. Puis il faisait le takbir lorsqu'il s'inclinait. Puis il disait Sami Allahu liman hamida lorsqu'il se relevait de l'inclinaison. Puis il disait alors qu'il était debout, Rabbana wa lakal hamd. Puis il faisait le takbir pour se baisser, ici pour la prosternation. Puis il faisait le takbir pour lever sa tête. Puis il faisait le takbir pour se prosterner. Puis il faisait le takbir pour lever sa tête. Et il faisait cela durant toute sa prière jusqu'à ce qu'il la finisse. Et il faisait le takbir lorsqu'il se levait, donc après avoir fait les deux unités de prière, après avoir fait les deux premières unités de prière, c'est-à-dire après El Julus, après l'assise du Tashahhud. Muttafaqun alayh. هذا الحديث متعلق بالتكبيرات في الصلاة. وقد تكلمنا سابقا عن التكبير عن تكبيرة الإحرام واليوم تكبيرات الانتقال. Ce hadith, il est lié aux différentes takbirat dans la prière, durant la prière. Et certes, on a déjà abordé le sujet de takbiratul ihram, le premier takbir qu'on fait donc pour commencer la prière. Ce sujet on a déjà abordé. Aujourd'hui donc on va voir les autres takbirat qu'on appelle takbiratul intiqal. Donc les takbirs qu'on fait pour se déplacer, pour changer de position. Ikhtalafa al-ulama fi takbiratul intiqal. Fa qala al-jumhur wa hum al-malikiyya wa al-shafi'iyya wa al-hanafiyya qalu bi sunniyati takbiratul intiqal. قالوا إن تكبيرة الانتقال لم تأتي إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والفعل لا يقتضي الوجوب. Et donc les savants ils ont divergé concernant takbirat al-intiqal, les différents takbirat qu'on va faire durant la prière en dehors du premier, le fait de dire Allahu Akbar. Al-Jumhur, donc Al-Maliki, Al-Shafi'iyya, ainsi que les savants du Madhab Hanafit, ils voient que ces différents takbirat que l'on prononce durant la prière, en dehors de takbirat al-Ihram, ces différents takbirat qu'on prononce pour se déplacer, pour changer de position, elles sont recommandées et pas obligatoires. Pourquoi ils disent? Parce que ces takbirat-là nous ont été rapportés des actes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas la parole du prophète. Et ils nous disent certes, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'impliquent pas une obligation. C'est-à-dire que tu vois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire que c'est une obligation. Il se peut qu'il le fasse parce que c'est recommandé. Et donc tu ne peux pas te baser sur le fait qu'on a vu le prophète faire quelque chose pour dire que c'est obligatoire. Voilà leur argumentation. Fekalu et wakalu aidan. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته إلا بتكبيرة الإحرام. Ils nous disent aussi que l'homme qui faisait mal sa prière, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment prier, le prophète ne lui a ordonné que takbirat al-ihram. Que takbirat al-ihram. Lorsque tu commences ta prière, tu dis Allahu Akbar. C'est le seul takbir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a ordonné de faire. Ils disent, et donc, c'est le seul takbir qui est obligatoire durant la prière. Tous les autres sont recommandés. خلفهم الإمام أحمد فرأى وجوب التكبيرات تكبيرات الانتقال. Et donc l'imam Ahmed, il s'est opposé donc à cet avis de l'jumhur, de la majorité, et il voit qu'il est obligatoire de prononcer toutes les takbirat qu'il y a pendant la prière. C'est pour ça donc je vous dis ne soyez pas étonnés, donc parfois si vous priez qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui ne fait pas de takbirat. Il est là, il se baisse, il remonte, il se baisse, etc. Il ne fait pas de takbirat. Pourquoi ? Parce que ça, c'est un avis donc, de certains ulama. Fama al-jawab an istidlal al-jumhur. Et donc, comment répondre à la preuve que al-jumhur, ils nous ont cité ? Comment on répond par rapport à ça ? Le fait que on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il a été vu lorsqu'il faisait takbirat, mais que cela ne vient pas de sa parole et qu'il n'a pas ordonné de faire cela. Awalan la yanbari أن يظن أن جميع واجبات الصلاة مذكورة في حديث المسيء صلاته. Premièrement, il n'est pas convenable de penser que toutes les obligations de la prière, elles sont citées dans le hadith de l'homme qui faisait mal sa prière et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a corrigé. Toutes les obligations ne sont pas citées dans ce hadith. كما ذكره ابن القيم رحمه الله. فإن هناك واجبات ليست مذكورة في هذا الحديث فمثلا استقبال القبلة. Il y a certaines obligations qui ne sont pas citées dans ce hadith. Par exemple, le fait de se mettre en direction de la Qibla. Est-ce qu'on va dire que c'est pas une obligation pour la salat? An-niyya. Est-ce qu'on va dire que l'intention n'est pas une obligation durant la salat? At-tashahhud. Est-ce qu'on va dire que le tashahhud n'est pas une obligation durant la salat? Et d'autres encore. إذن لا ينبغي أن يظن أن جميع الواجبات مذكورة في هذا الحديث. Et donc il n'est pas convenable de penser cela, que toutes les obligations sont citées dans ce hadith. Si ce n'est pas cité dans ce hadith, donc ce n'est pas obligatoire. Là, هناك أحاديث أخرى تبين هذه الواجبات. Il y a d'autres hadith, d'autres sources qui vont nous montrer les autres obligations qui ne sont pas citées dans ce hadith. ثم أمر آخر قالوا إن الأمر بالتكبيرات أو بتكبيرات الانتقال لم يأتي في حديث المسيء وهذا خطأ. Et aussi donc ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il n'a pas ordonné à cet homme de faire les différentes takbirat dans ce hadith, le hadith de l'homme qui faisait mal sa prière, et ceci est une erreur. Ceci est une erreur aussi. فإنه قد جاء الأمر بذلك في هذا الحديث كما في رواية خلاد ابن رباحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا تتم صلاة لأحد حتى يتوضأ فيدعو الوضوء ثم يكبر الله عز وجل ويثني عليه وَيَكْرَأُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ. Et ensuite le prophète ثُمَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِرُّ فِي ذَلِكَ وَيَذْكُرُ التَّكْبِيرَاتِ. Et donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne à l'homme comment faire sa prière, il lui a dit donc la prière d'aucun d'entre vous ne sera parfaite tant qu'il ne rassemble pas ses éléments, tant qu'il ne fasse pas ses ablutions comme il lui a été ordonné. Ensuite, qu'il arrête donc de faire ses ablutions lorsqu'il a fini, puis il fait le takbir. Donc là on est takbirat al-ihram, le premier takbir de la prière. Et il fait les éloges d'Allah Ta'ala. Ensuite, il récite ce qu'il peut du Coran. Et après cela, il dit « Allahu Akbar ». Donc, on a « Takbirul Intiqal ». Allahu Akbar lorsqu'il va faire le rukou'. Puis il dit Sami' Allahu liman hamida. Puis il dit Sami' Allahu liman hamida. Et ceci jusqu'à ce qu'il reste bien debout. Puis il dit Allahu Akbar. Et ensuite il se prosterne. On a encore ici un autre takbir. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Je n'ai pas cité tout le hadith parce qu'il est un peu long. Mais dans le hadith, le prophète, donc il cite les différentes takbirat qu'il y a durant la prière. إذن هذه التكبيرات جاءت من فعل وقول النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوب على وجوبها. Et donc ces takbirat, ces différentes takbirat qu'on va prononcer pour se déplacer durant la prière, elles ont été rapportées par les actes du prophète صلى الله عليه وسلم et aussi par sa parole, ce qui montre le caractère obligatoire de ceci. ثم النبي صلى الله عليه وسلم داوم على التكبيرات على هذه التكبيرات مما يظهر ويبين لنا الوجوب فإنه هو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. Et aussi le prophète صلى الله عليه وسلم, il a tout le temps fait ces takbirat, il ne les a pas délaissés, ce qui montre le caractère obligatoire de ces takbirat là, parce que c'est lui qui nous dit priez comme vous m'avez vu prier. إذن قول الإمام أحمد رحمه الله هو الراجح في هذه المسألة. Et donc l'avis de l'imam Ahmed dans ce sujet est l'avis le plus juste. والله تعالى أعلم وهو أيضا قول داود الظاهري وكذلك إسحاق. Et donc c'est aussi l'avis de Daoud al-Zahiri et aussi Ishaq. Ishaq ibn Rahouya, qui est le cheikh de Ishaq ibn Rahouya, qui est le cheikh de Al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala. ثم أحب أن أرجع سريعا أو سنراجع هذا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. مسألة ذكرناها أظن مرتين في المسجد إن شاء الله. الدرس القادم نذكرها من مرة أخرى إن شاء الله تعالى. طيب لكن الجمهور استدلوا بحديث آخر. الجمهور malgré donc cet argument que je vous ai montré, cette argumentation que je vous ai montré, le jumhur, ils ont un autre hadith sur lequel ils s'appuient pour dire que les takbirat ne sont pas obligatoires. Wa hadha al-hadith dhakarahu Abu Daoud fi sunanih an Abd al-Rahman ibn Abi Abza annahu salla ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa kana la yutimmu at-takbir. Et donc un hadith rapporté par Abu Daoud dans son Sunan, selon Abdurrahman ibn Abi Abza, qui dit qu'il priait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que celui-ci ne parachevait pas le takbir, c'est-à-dire qu'il commençait à prononcer le takbir, le premier du début de la prière, et ensuite il ne prononçait pas les autres. Voilà donc leur preuve. Wa hadha al-hadith da'afahu al-ulama wa min amthalihim al-Sheikh al-Albani rahimahullah. ففي إسناده الحسن ابن عمران وهو مجهول. Et donc dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un homme qui s'appelle Al-Hassan ibn Imran et il est inconnu, majhoul. Voilà pourquoi les savants l'ont jugé faible et parmi eux il y a Cheikh Al-Albani rahimahullah. Et donc encore une fois, l'importance dans notre religion de ne pas prendre des inconnus. Encore une fois, si une personne prend des inconnus, elle prend de n'importe qui dans sa religion, elle va prendre aussi dans la sens du hadith, n'importe quel hadith, des hadiths inventés, tout, elle prend. Pourquoi? Parce qu'elle peut prendre de n'importe qui. À ce moment-là, une personne qui prend de n'importe qui et qui ne veut pas accepter des hadiths faibles, on va lui dire, tu te contredis. Comment ça les hadiths, tu n'acceptes que ce qui est authentique, mais par contre, lorsque tu assistes à des durous, etc., tu prends de tout le monde. Toute personne qui parle, tu prends. Et il faut donc que tu sois cohérent dans les deux domaines. Ça, c'est important. وَفِي الْحَدِيثِ مَسْأَلَةُ التَّسْمِيعِ. Il y a dans ce hadith le sujet de tasmi'. Ce sujet-là, on l'a déjà vu aussi. فذهب الجمهور إلى أن التسميع سنة وليس بواجب. Et donc, الجمهور, la majorité des ulama, ils voient que التسميع, donc le fait de dire سميع الله لمن حمدا, ils voient que ceci est une sunna et que ce n'est pas une obligation. قالوا إنه غير موجود في حديث المسيء صلاته. Ils disent que le fait de dire سميع الله لمن حمدا, cela n'est pas présent dans le hadith de l'homme qui faisait mal sa prière. وَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثِ سَبِيقًا قَرَأْتُهُ عَلَيْكُمْ وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيَكُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا. Et certes, j'ai lu le hadith tout à l'heure, le hadith de l'homme qui faisait mal sa prière, et vous avez entendu le prophète qui a dit à l'homme aussi, donc dans la riwaya de Khaled, il lui a dit, donc, et il dit, سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدًا. Et donc, cette parole a aussi été citée dans le hadith de l'homme qui faisait mal sa prière, et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet est que التسميع est donc obligatoire. التسميع est donc obligatoire. أما التحميد, et c'est le dernier sujet qu'on va voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, التحميد, le fait de dire ربنا ولك الحمد, est-ce que c'est obligatoire ou pas? فذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك إلى أنه لا يشرع للإمام. الإمام أبو حنيفة والإمام مالك, ils voient que il n'est pas légiféré concernant l'imam de prononcer التحميد, le fait de dire ربنا ولك الحمد. Quelle est leur preuve? Quelle est leur preuve? Un hadith, il est clair. Non, on l'a déjà cité dans d'autres cours. إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. Et donc certes, l'imam a été placé pour être suivi. Alors lorsqu'il fait le takbir, faites le takbir. Lorsqu'il s'incline, inclinez-vous. Et lorsqu'il dit Sami Allahu liman hamida, alors dites Rabbana wa lakal hamd. Qalu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huna dhakara at-tahmid lil ma'mumin wa laysa lil imam. Ils ont dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité at-tahmid, le fait de dire Rabbana wa lakal hamd, pour ceux qui prient derrière l'imam, et pas pour l'imam. Ils disent, ce hadith-là, ça ne concerne pas, cette parole ne concerne pas, donc, l'imam. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Non, pas forcément. Hein? Le fait qu'il dise, faqulu rabbana wa lakal hamd, que lui ne doit pas le dire. Ça ne veut pas dire que lui ne doit pas le dire. Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Le fait que le prophète, il ordonne à ceux qui suivent l'imam de dire ça, ça ne veut pas dire que lui, il ne doit pas le dire. Mm-hmm. Wal hadith alladhi nadrusuhu al-yawm الذي بين أيدينا هذا الحديث رد عليهم. Le hadith qu'on voit aujourd'hui est une réplique sur eux. Pourquoi? Dans ce hadith, on voit clairement que le prophète, il prononçait, il disait سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد, alors qu'il était imam. إذن القول الراجح في هذه المسألة وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي أن الإمام يجب عليه كذلك أن يقول سمع الله لمن حمدا. Et donc l'avis le plus juste, et donc dans ce sujet l'avis de l'imam Ahmed et de l'imam Shafi'i, qui est que l'imam aussi il doit dire سمع الله لمن حمدا. Excusez-moi, ربنا ولك الحمد. L'imam aussi il doit dire ربنا ولك الحمد. Et la mas'ala qu'on va réviser ensemble demain inshallah ta'ala, pour voir s'il y en a qui arrivent à trouver dans leurs notes, si ça a été noté, est-ce que le ma'moum, il doit dire Rabbana, est-ce que le ma'moum, il doit dire Sami Allahu liman hamida? Lorsque l'imam, il est en position d'inclinaison et qu'il remonte, il dit Sami Allahu liman hamida. Est-ce que toi, tu dois dire Rabbana wa lakal hamd? Parce que le prophète, il nous a dit, lorsque l'imam dit Sami Allahu liman hamida, alors dites Rabbana wa lakal hamd. Ou alors est-ce que lorsque l'imam il dit Sami Allahu liman hamida, tu dois dire Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamd. Parce que le prophète il a dit Innama ju'ila al-imam li yu'tamma bih. Certes, l'imam a été placé pour être suivi. Et donc, ça c'est un sujet qu'on va réviser demain. On l'a déjà vu, Inch'Allah. Vous allez me citer les Aqwal, les Adilla, wa al-Qa'ilin, bi'idnillahi ta'ala. D'accord ? Inch'Allah, on va voir ça demain, bi'idnillahi ta'ala. On arrête là pour aujourd'hui. Wa faqallahu jami' lima yuhibbuhu wa yardaw. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khayra.